العلم خير. إذا بلغنا هذا الدين على كتاب الله وسنة رسول الله ورجعنا إلى أقوال العلماء دائما اطلب العلم خير، فهذا شيء مطلوب إن شاء الله. اطلب العلم خير فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Les compagnons comme Abu Bakr, comme Omar, comme Uthman, comme Ali ont divergé et ne se sont pas divisés. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور، صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان زهور، صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان زهور. Voilà ici la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Être une sunna ambulante, pas une innovation ambulante. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira amma ba'd. On continue et on fait la dernière intervention, du moins concernant le minhaj autour du livre Al-Ibanat al-Sughra. C'est la dernière intervention, ça nous ramènera à 6 interventions, sans compter la traduction du Cheikh Abdullah al-Mutlaq, hafidhahullah ta'ala, et sans compter l'intervention demain du Cheikh Shibli, hafidhahullah ta'ala, insha'allah ta'ala, avec la traduction que je ferai directement après. Après Salat al-Asr, je laisserai un moment où je donnerai certains conseils à mes frères et sœurs en Allah Azza wa Jal. Et ici, on laissera la porte rapidement ouverte si des frères et des sœurs veulent poser des questions, particulièrement sur le minhaj et sur ce qu'on a dit, inshallah ta'ala. Wa billahi tawfiq. Et bihawlillah Azza wa Jal, on va continuer avec les paroles ici rapidement de Ibn Rajab al-Hanbali. Pour clôturer ce qu'il avait dit, j'ai oublié une phrase très importante. Parce que là, on a parlé de l'jidal et on avait dit que Ba'd al-Salaf disait qu'il n'y a pas de personnes qui se sont égarées sans, avant de s'être égarées, être tombées dans Al-Jidal. Et Al-Jidal, c'est la voie de quoi? Al-Dalal, de l'égarement. Wadih. Et on a mis le point et on a insisté sur le fait de voir bien la différence entre le Jidal, la polémique, la controverse, et ici, le fait d'argumenter, de montrer, bayanul haqq, de montrer la sunna, comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ce qui t'incombe, c'est de quoi? De montrer le haq, de montrer la sunna, as-sunan. Et ici, si la personne accepte, c'est bien. Si elle n'accepte pas, donc à ce moment-là, il faut garder le silence. Wadih. Et il a rapporté certaines paroles qui montrent que c'est pas parce que les personnes parlent beaucoup, et je parle dans le jidal, que ça prouve qu'ils ont beaucoup de science. Je termine avec cette parole de lui, Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, que vous trouvez dans son livre, Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf, et il dit, il incombe donc de ne pas croire que celui qui s'étale dans sa parole, et ici dans son discours, dans la science, soit plus savant que celui qui ne parle pas autant. Wadih. Il dit, il incombe de ne pas croire que celui qui s'étale dans son discours et dans ses paroles, dans la science, dans l'ilm, soit plus savant que celui qui ne parle pas autant. Clair? Car celui qui parlait ici ou qui réunissait le moins de paroles, mais qui renfermait le plus de moralité, de trésors et de bienfaits, de bénéfices, c'était qui la meilleure des créatures? Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Wadih. On continue, inshallah ta'ala, comme on peut et jusqu'on peut, wa billahi tawfiq, concernant l'explication des textes. Et donc là, on était au texte 14, si je me trompe pas. قال عليه الصلاة والسلام إنكم لترجعون إلى الله جل وعلا بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن. هذا الحديث حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله رحمة واسعة. Et certains disent ici que Cheikh l'Albani l'aurait authentifié. لا أدري. Moi en tout cas ce que j'ai lu c'est que Cheikh l'Albani l'a jugé et l'a mentionné dans ضعيف الجامع. Et ici, il peut arriver que certains textes, Cheikh l'Albani les jugeait faibles. Mais que par la suite, il est revenu sur sa parole après une étude approfondie sur la chaîne de transmission en disant, en fin de compte, il est jugé bon. D'accord? Donc, est-ce qu'il est faible? C'est sa dernière parole de Cheikh l'Albani? Ou bien la dernière parole, c'est le fait qu'il a authentifié? La adri. لكن بالنسبة المعنى concernant le sens, c'est-à-dire لا تتقربون إلى الله عز وجل بشيء أفضل من القرآن. Vous ne rapprochez pas ici d'une chose auprès d'Allah عز وجل par une chose meilleure que القرآن الكريم. رواه أبو داود له au texte numéro 15. قال عليه الصلاة والسلام إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. Quraysh m'a interdit, ou m'a empêché plutôt, de transmettre la parole de mon Seigneur. Que veut dire ce texte-là? Rapporté par qui? Quelle est l'authentification ou l'authenticité de ce texte? Rawahu Abu Dawud wa ghayruh, wa sahah al-hadith, Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, fi silsilati sahiha. Et ici, un, pourquoi ici, le prophète alayhi salam, pourquoi le Cheikh ibn Battah rahimahullah ta'ala a placé ce hadith alors que ça concerne plus la sira? Quraysh, est-ce qu'ils ont interdit le prophète alayhi salatu wasalam de transmettre les paroles d'Allah jalla wa ala? Est-ce qu'ils ont interdit le prophète? Na'am. Mais ça c'est plutôt, et ça concerne plutôt la sira, la sunna, la biographie du prophète alayhi salatu wasalam. Mais ici, il le place ici, alors qu'on parle de Ahlul Bida, alors qu'on parle de l'Aqida. Et ici, il a placé ce hadith ici, c'est pour rappeler, ithbat, hash. Pourquoi à votre avis? Pourquoi alors il a placé ici? Ici, il dit, « Inna Quraishan mana'atni an ubellir kalama rabbi. » Elle m'a empêché de transmettre la parole de mon Seigneur. Pourtant, on parle de Ahlul Bida'. On parle de As-Sifat, les attributs d'Allah, les noms d'Allah, At-Ta'wil, At-Ta'wil, les gens qui sont rentrés dans Al-Bida' al-Mukaffira et d'autres qui sont rentrés dans At-Ta'wil mais qui ne sont pas sortis de l'Islam et l'Akhiré. Parce qu'on parle de quoi? Cet attribut, la parole d'Allah. Et pour réaffirmer, affirmer et réfuter la parole des innovateurs qui disent comme quoi Allah Jalla wa Ala, quand on parle de Al-Kalam, Kalamullah Azza wa Jal, ce n'est pas Allah Jalla wa Ala qui parle. Et que Allah Subhanahu wa Ta'ala, on peut pas dire qu'Allah Jalla wa Ala a parlé de vive voix à qui? À Moussa alayhi salam. Alors qu'Allah, il a rappelé dans le Coran Al-Karim qu'il a parlé de vive voix à Moussa alayhi salam. Non? Ahlul Bida' min al-Mu'tazila wal Jahmila ila akhiri, ils disent comme quoi Allah, il a créé une parole et ici dans un arbre. Et cet arbre a parlé à Moussa alayhi salam. Regardez, là, ils rentrent dans l'interprétation et dans la déformation des preuves et des textes. Et, ah, c'est ceux qui ouvrent une porte, on leur a pas dit d'ouvrir. Et là, on revient à ceux qui ont utilisé une voix claire, simple, comme salaf, et ceux qui utilisent une voix compliquée ou qui rendent compliquées les choses. Donc, Allah Azza wa Jal, il dit, il a parlé. Kalamullah, elle est mentionnée. Dans le Coran et la sunna bifami salafil umma. Comment il a parlé ici? Ici, de vive voix, ça a été clarifié clairement. Est-ce qu'on a droit de dire la parole d'Allah, ce n'est pas la vraie parole d'Allah, mais en fait, ça représente une chose où Allah a créé une voix, c'est pas la parole d'Allah, et c'est pas la voix d'Allah, mais il a créé une parole, et il l'a mis dans un... Toutes ces explications, on est d'accord si un compagnon, avec une chaîne de transmission authentique, l'avait expliqué, ou le prophète, alayhi salatu wassalam, ou Allah, azza wa jal, il n'y a pas. Donc on dit, vous dites que vous êtes sur le kitab et la sunna. Nous, on dit, on suit le kitab et la sunna. Et pour ici différencier, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, on renvoie al Qur'an wa sunna à quoi? À la compréhension des plus prédécesseurs. Rapportez-nous une preuve. كما قال جل وعلا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Apportez une preuve. Ici, si vous êtes véridique. وكلم موسى تكليما. Allah عز وجل a certes parlé à Moussa عليه السلام de vive voix. ثم قال عليه الصلاة والسلام لجابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعلمت أن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا. Et ici, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à Jabir concernant la chaîne de transmission. Ça c'est un hadith rapporté par Al-Tirmidhi et d'autres. وصحح الحديث الألباني رحمه الله رحمة واسعة في صحيح الجامع. Selon Jabir رضي الله عنه وأرضاه, ou plutôt le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à Jabir رضي الله عنه وأرضاه, أَعَلِمْتَ أَنَّ اللَّهِ سِتُكَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَىٰ أَحْيَا أَبَاكَ. Donc ici, il a fait revivre, il a ressuscité ton père بعد موتِهِ, après sa mort. Ici, فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا. Ah, on parle encore de quoi? كَلَمُ اللَّهِ. Et il lui a parlé كِفَاحًا. Ici, c'est directement. وَقَالَ, ici, il est mentionné كِفَاحًا, c'est-à-dire directement, laysa baynahuma hijab wa la rasoul, sans qu'il n'y ait entre deux voiles. Kifahan, c'est sans qu'il n'y ait entre deux voiles, c'est-à-dire entre le père de Jabir Et Allah Azza wa Jal, ni messager, ni intermédiaire, directement. Et ça, ça raffirme encore qu'Allah Jalla wa Ala, il a parlé et il parle. Allah subhanahu wa ta'ala, kalamullah Azza wa Jal, on le reconnaît. Pas comme al-Jahmiyyah al-Mu'tazila ila akhiri. Et ça, c'est pour appuyer, bien sûr, l'attribut de la parole. Abdullah, qui était le père de Jabir ibn Abdillah. De Jabir ibn Abdillah, c'est-à-dire Jabir, ici fils de Abdullah. Il s'est fait tuer. Wadih. Et un jour, quand il s'est fait tuer au combat, Jabir, radiyallahu anhu arda, et sa famille, pour expliquer le contexte, Ahya, il a fait revivre. Ici, Jabir et sa famille, ici, se sont tenus devant leur père. Alors qu'il était mort, Jabir, il voit son père, sa famille, il pleure devant lui. Il était mort. Ils se sont mis à pleurer. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, comme j'ai fait sahih, il a entendu les pleurs de Jabir, radiyallahu anhu arda, qui relevait le voile couvrant le visage de son père. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, lui dit, pleure pour lui ou ne pleure pas. Inna al-malaika, certes les anges sont encore en train de l'ombrager par leurs ailes jusqu'à ce qu'ils l'ont soulevé. Hadith en sahih. Et il fut appelé depuis l'ombré par les anges, le père de Jabir radiyallahu anhu arda, qui est mort lors du combat. Et Jabir disait aussi, le messager d'Allah alayhi salatu wasalam m'a vu un jour et me demanda, ô Jabir, pourquoi je te vois aussi seul et soucieux? Je répondis, ô messager d'Allah, ya Rasulallah, mon père Abi est mort en martyr, laissant des enfants et il est endetté. Et vous savez très bien que ici le martyr, même le martyr, la personne qui meurt martyr, tous ses péchés sont interrompus, clairs, sont pardonnés, mais qu'est-ce qui reste suspendu quand même? Les dettes, subhanallah. Et vous savez que le roi Hassan l'a dit, la dette elle reste suspendue à quoi? À l'âme de la personne qui meurt. Et c'est pour ça la première des choses que le prophète alayhi salatu wasalam faisait quand une personne décédait, il disait, est-ce qu'il a de l'argent pour payer ses dettes quand il avait des dettes? Et un jour le prophète alayhi salatu wasalam l'a dit, sallu ala akhikum, priez sur votre frère. Pourquoi? Pourtant c'était un compagnon, il avait des dettes. Pour montrer la gravité de mourir avec des dettes et de ne pas se précipiter à rembourser les dettes, surtout quand tu en as les capacités. Et ici, le prophète alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il a répondu quand Jabir a dit mon père est décédé, il était endetté. Ici quand il a dit ça, le prophète alayhi salatu wasalam a entendu ça, il lui a dit, je veux t'informer qu'Allah ne s'est adressé à quelqu'un qu'à travers un voile après qu'il a parlé directement à ton père, qu'Allah ne s'est adressé à personne qu'à travers un voile après qu'il a parlé directement à ton père sans un voile entre eux. Allah a dit, mon serviteur, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Et il dit, je te demande de me rendre sur terre pour mourir pour toi une deuxième fois. Allah lui dit, ma parole a déjà été décrétée, ils ne retourneront pas. Abdullah dit alors, mon Dieu, informe ceux qui sont derrière moi sur terre. Alors Allah Azza wa Jalla révéla, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwad al-ahya al-aya, ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts, au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Wadih, le prophète il a fait l'éloge de son père. Et ça c'est des textes qui nous montrent que Jabir radiyallahu anhu arda, son père, Allah a parlé directement avec lui sans voile entre eux et sans messager. Et ça c'est pour encore réaffirmer et appuyer l'attribut de la parole à Allah Azza wa Jal. Et c'est pour affirmer encore aux gens de l'innovation dans l'aqidah et qui sont rentrés dans le ta'wil, qui sont dans l'erreur et dans l'égarement. Rawahu al-imam Muslim, قال عليه الصلاة والسلام يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قفت عليه الصلاة والسلام دي. Et le hadith est rapporté par Muslim. Il viendra après moi des fitan, des épreuves où l'homme ici يصبح فيها مؤمنا, il se réveillera croyant et il dormira non musulman, non croyant, et يمسي مؤمنا, et il dormira croyant. Et il se réveillera kafira, illa man ahyahu Allah bil ilm. D'accord? Et cet ajout-là, ici, certains ont dit qu'il était faible, l'ajout qu'il a fait. Et ici, il place ce hadith ici pour rappeler les conséquences des fitaines et des gens égarés qui vont être la cause de cela. Clair? Parce qu'il dit, yakunu ba'di fitanun, ou fitnatun, yusbihu rajulu fiha mu'minan, wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan, wa yusbihu kafira. Pour dire, ici, les conséquences des choubouhades qui vont être répandues par ashabul ahwa, ashabul fitan. Et il nous rappelle ici qu'on se doit d'être ferme et apprendre sa science pour ne pas être quelque part une feuille morte qu'il se fait emporter ici par n'importe quel vent qui passe, et il met en garde ici sur le fait que tu peux être perturbé rapidement, donc de s'éloigner de ces gens-là qui peuvent te faire entrer des choubouhat dans l'aqida et dans les versets coraniques, et ici les versets qui ont été révélés par Allah Jalla wa Ala. Le hadith qui vient après, authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami' rawahu al-Tirmidhi wa ghayru, qala alayhi salatu wa salam: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. Et ici le prophète عليه الصلاة والسلام il dit اقتدوا بالذين من بعد, c'est-à-dire accrochez-vous à leur voie, suivez ces deux qui sont après moi, Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma. Pourquoi? Ici al-muallif il place ce récit ici car il y a ceux qui disent que la parole des khalaf est meilleure que la parole des salaf. Parce qu'ils disent, la parole des salafs, simplement ils ont parlé, ils ont répété, ils ont pas approfondi la science comme l'ont fait les khalafs qui sont rentrés dans ilm al-kalam. Parce qu'il y en a des gens, ashab al-ahwa, qui disent ça. Ils disent non, on a besoin de plus de richesse dans les paroles, de plus d'explications. Et donc ici, il a placé ici pour rappeler que ça suffit les paroles des meilleurs des gens qui sont les salafs. Et il rapporte le hadith où le prophète il a dit, suivez, pas le chemin des khalafs, mais des salafs. Et à leur tête, Abu Bakr radiyallahu anhu arda, et Umar. Et c'est une réponse aussi à qui? À Shia. Qui insulte Abu Bakr. Qui insulte Umar radiyallahu anhu arda, et certains qui ont sorti Umar. Et il rappelle, voilà la vérité. Les textes sont clairs. Iqtadu billadhaini min ba'di. Billadhaini min ba'di. Abu Bakr wa وعمر رضي الله عنهما. واضح. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء السبايا, أبناء السبايا الأمم, فأخذوا بالرأي وتركوا السنن. هذا الحديث il est dans ضعيف الجامع. واضح. ولكن le sens il n'est pas faux. C'est-à-dire, ici, ils ne cessaient, les Bani Israël, d'être dans le juste. Bani Israël ne cessaient d'être dans le haq, dans le juste. Clair? Jusqu'à ce qu'ils se soient mariés avec d'autres communautés. Et ils ont eu des enfants qui ont usé, se sont mélangés avec d'autres communautés, il a akhiré, qui ont usé de ra'i, la vie, la raison. Et ils ont délaissé les sunan. Dû au fait que les pensées se sont mélangées à cause des différentes croyances. Clair? Et qaddamu an-naql 'ala al-'aql. Et à ce moment-là, ils ont fait devancer les textes révélés sur, ici, ou plutôt, al-'aql 'ala an-naql. La raison sur les textes révélés. Clair? Et ici, ça c'est un message aussi à ceux qui ne cesse de répéter. Est-ce qu'on peut se marier avec les femmes de Ahlul Kitab? À la base, c'est autorisé. Parce que Allah Azza wa Jal, il l'a autorisé. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبْ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ إِلَى آخِرَ الْآيَاتِ. Allah, il a rappelé non seulement que, ici, les femmes, d'accord, on parle de Al-Muhsanat, pas n'importe quelle femme. Les femmes chastes, pas les fornicatrices. Femmes qui croient en Allah et qui croient à un livre révélé. En Dieu et un livre révélé. At-Tawrah ou bien Al-Injil. Peu importe si elle donne des associés à l'akhiré, mais elle fait partie de Ahlul Kitab, mais une femme chaste. D'accord? Donc ici, Allah, il a autorisé la nourriture de Ahlul Kitab, les gens du livre, les juifs et les chrétiens, et notre nourriture est autorisée pour eux. Et pareil, ici, les femmes de Ahlul Kitab, on a le droit de se marier avec elles. Bien que certains, comme Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, il détestait cela, il a akhiré, je rentre pas dans la divergence, mais je dis, aslan, par rapport au texte, c'est autorisé. Wadih? Mais quand on voit ce texte, c'est dans ce sens. Al-ulama, ils disent que le sens est bon. Et ici, quand tu vas te mélanger, surtout à une époque où les gens, déjà les gens, leur aqida, je parle pas de leur mœurs, de leur aqida, déjà elle est faible chez beaucoup de gens. Et en général, tu verras que ceux qui viennent te poser les questions et qui disent, est-ce qu'on peut se marier avec les femmes de Ahlul Kitab ou je veux me marier avec une femme de Ahlul Kitab, en général, c'est les gens, Allah, qui viennent nous voir, en général, hein, c'est des gens qui sont loin de la religion. Mais par intérêt, ou par ceci, ou par cela, ou par facilité, la akhiré. Donc ils veulent se marier. Donc pour eux, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils vont se marier avec une personne qui a une croyance autre que la sienne. Et regardez ici, qu'est-ce qui est mentionné? Il ne cessait d'être dans le jus jusqu'à ce qu'ils se sont mariés avec des gens de femmes d'autres communautés. Il a akhiré qui avaient d'autres croyances et après ça s'est mélangé leurs croyances avec celle-là et ça s'est perturbé là jusqu'à ce qu'ils se sont égarés. Et ça c'est vrai, on sait très bien et on voit très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont faibles dans la religion ou dans leurs croyances et qui vont se marier, qui à la base s'autorisent avec des femmes qui ont une autre croyance et qui peut-être elle va s'accrocher plus à sa croyance que lui avec sa croyance et à la fin... Il va être influencé par sa croyance, wal'iyadu billah. Et on craint cela pour les gens. Pour ça, on conseille pas et on recommande pas, en général, surtout par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, bien que, aslan à la base, c'est autorisé. Et nous, il est demandé de faire toujours devant, c'est quoi? Al-naql sur al-aql. Sinon, tu peux t'égarer. Exemple. Quelqu'un qui va faire les ablutions. Il va faire les ablutions. Khlas, il a fait les ablutions. Akramakum Allah, inna Allah la yastahi min al-haq. Allah n'a pas honte de mentionner, de dire la vérité. Donc ici, quelqu'un va voir un gaz. D'accord? Donc ici, je peux dire comme ça, un gaz. Hein? D'accord? Il y a une expression meilleure. Oh, khlas, rigolez pas. Un gaz, vous m'avez compris. Il a perdu ses ablutions ou pas? Mais si on fait travailler la raison, que la raison, et on va pas plus loin, et tout de suite comme ça, et on va dire quoi? Ah, il a eu un gaz, et akhi, dans ces cas-là, allez... Ça fait pas de lui qu'il est devenu quel alaqa avec le gaz et avec le fait qu'il a lavé ses bras et aller au mieux. On va lui dire relave tes parties. Ça suffit parce que le gaz ça touche pas les autres parties, mais tout le reste c'est bon, ça va pas toucher. C'est vrai ou pas? Si on travaille avec la raison, on va dire c'est quoi qui a été touché. Mais nous, est-ce que on se doit de travailler la raison dans ce qu'Allah et le prophète alayhi salam ont révélé? Non. Qala Allah wa qala ar-rasul bi fami salaf al-ummah ma tazabit, tu les mets de côté. Ici, nous disons, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, qala rasulullah, alayhi salatu wassalam, que quand tu as un gaz, et que ça fait partie de nawaqid al-wudu, ce qui annule les ablutions, il a akhiré, et qu'il a mentionné que ça, tu dois refaire toutes tes ablutions. Sami'ana wa ata'ana. Tu vas pas plus loin, et tu délaisses ta raison de côté. Mais amma, ceux qui font, ça je vous donne un exemple concret pour comprendre bien, ceux qui montrent, ils vont dire, oui, à la base, c'est-à-dire ce qui est apparent, ça va peut-être, ah ouais, c'est vrai. Ah, et tu vois même peut-être si t'es un égaré dans certains cas plus subtils ou plus complexes, tu vas dire, ah, mais lui vraiment, il a vraiment mieux compris les choses que l'autre. Parce que l'autre, il a appris des textes et presque, il va dire, il a suivi des textes aveuglement, wal'iyadu billah. Mais non, il s'est conformé à qala Allah wa qala Rasul bi fami salaf. Et ça, c'est ça qui est demandé. Concernant le fiqh, concernant l'aqida, concernant, et quand il y a des explications, tu prends les explications. Mais quand il n'y a pas lieu d'expliquer des choses, tu t'arrêtes là, sami'ana wa ata'na. Wadih? ثم بعد ذلك ici le prophète عليه الصلاة والسلام a dit إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. Et ici, Allah, le prophète, alayhi salam, a dit avec une traduction approximative du sens, en vérité, Allah n'enlève pas la science en arrachant ici des poitrines des gens, mais il enlève la science par la mort des savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant, et les gens vont prendre ici, à leur tête, des ignorants. Fasu'ilu fa'aftau biraïri ilm. Ils vont être interrogés et ils vont donner des avis juridiques sans aucune science. Fadallu وَأَضَلُّ. Et le sens, et pourquoi le Cheikh Ibn Battal, l'imam, il a placé ici, et il est toujours dans un rad sur Ahlul Bida', et il parle particulièrement de Ahlul Bida' dans l'Aqidah. D'accord? Faut pas se précipiter et comprendre comment on veut les choses. Et il dit, c'est-à-dire, les savants ne veulent pas, ici les gens vont ne pas, ils ne vont plus prêter, importance, ils vont plus donner de l'importance, comme il avait expliqué le shir, aux grands savants. Jusqu'à ce que, ici, il y a des gens qui vont suivre leur passion, et vont suivre les avis qui les intéressent, et jusqu'à ce que, il y a des gens qui vont être pris comme référence, et ils vont répondre sans aucune science, et non seulement ils vont égarer, mais ils vont s'égarer, ils rappellent à travers ce hadith, qu'on doit interroger les gens qui s'appuient sur le Coran et la Sunna, bifahmi salafil umma, et pas sur les avis. Et ça, c'est une mise en garde. Et il met une couche pour dire, attention, n'écoutez pas n'importe qui, mais écoutez ceux-là toujours qui s'accrochent aux paroles claires d'Allah et du prophète, alayhi salatu wassalam, bifahmi salafil umma. Thumma qala alayhi salatu wassalam, wal hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihain. Bal naqul, naha alayhi salatu wassalam, عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. Et le hadith il est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi al-Sahihayn. Et ici, ce qui est visé par ici qila wa qal, c'est les on dit, il dit, et il vise, comme a dit les ulama, al-jidal. Et ce qui rentre souvent dans qila wa qal, ce sont ceux qui rentrent dans les futilités. Un tel a dit, un tel a fait, un tel. Donc il parle beaucoup. Et là, il a placé ici, comme on dit les savants dans le sharh de Al-Ibana, c'est pour montrer ceux qui rentrent et qui aiment beaucoup le jidal. Ah, on a parlé de ceux qui aiment le jidal. Et là, on voit encore l'importance de s'écarter de al-jidal. Wa kathrati su'al. D'accord? Yani fima la yanfa'u, dans ce qui va pas te profiter. Ça veut pas dire que quand tu poses des questions, ici ça y est, c'est blâmable. Mais il faut poser des questions. Quand il faut, comme il faut, et sur ce qu'il faut. D'accord? Ici, si tu poses des questions sur une chose pour pas appliquer, ça c'est une erreur. Si tu poses une question après avoir fait l'erreur, ça c'est une erreur. Pose les questions ici avant de faire l'erreur. Ahada halal am haram? C'est pas des gens, ils vont faire des graves erreurs, après ils posent des questions. Tiens, j'ai fait ça, c'est halal ou haram? Pose la question avant, ya Abdallah. Clair? Mais amma, poser beaucoup de questions aussi dans des choses qui ne vont t'apporter ni bien ni mal, arrête. Encore une mise en garde sur quoi? Al-jidal. Et il y a des gens qui posent. Cheikh, ma ra'yukum an cheikh fulan? Subhanallah. Ça rentre dans quoi? Dans ici, l'interdiction de quoi? L'excès de questions. Dans ce qui ne va pas te profiter en quelque chose de bénéfique. Cheikh Foulen, il a fait ou il a pas fait, ou il a ceci ou il a cela, ou il a... Et peut-être il a des milliers de kilomètres de toi et qu'il ne t'est pas... Pourquoi ça va te profiter en quoi? En rien, pose des questions bénéfiques. Et ça va t'apporter des réponses bénéfiques. Et ça va t'apporter une science bénéfique, et c'est ce qu'on veut. Al-ilmun nafi', car le prophète disait Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Et Allah, je cherche protection près de toi contre la science qui n'est pas bénéfique. Cherche ce qui t'est bénéfique. Ce qui t'est pas bénéfique, ici, balance-le sur le côté. Bikul ihtiram, avec un grand respect. Mais mets-le de côté. Mais pose des questions dans ce qui va être bénéfique. Et quand tu poses une question aussi, il faut savoir comment poser bien la question pour avoir une bonne réponse. Car al-ulama, ils disent, la question, c'est la moitié de la réponse. D'accord? Mathalan, quelqu'un va te dire, ما حكم التعاون؟ ما هو الجواب؟ C'est quoi le jugement de l'entraide؟ يلا. C'est-à-dire. بارك الله فيك. يا أخي. Quelqu'un dit, oh, c'est bien. Ah, là, c'est bien. Imagine, tu tombes dans un chien, un jahil, miskin est loin. L'entraide, bah ouais. Bah tiens, je vais te prêter ma voiture, hein. C'est bien l'entraide apparemment, il y a beaucoup de choses sur l'entraide. Alors que lui, tu sais très bien qu'il te demande la voiture pour aller à Kalamakumullah en soirée. Alors que l'entraide, il y a deux types d'entraide. Wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan. Entraidez-vous aux œuvres de bien et de piété, ne vous entraidez pas à quoi? 'Ala al-ithmi wa al-'udwan, au péché et à la transgression. Quel type d'entraide? Approfondis ta question. Comme ça, la réponse, ça sera plus complète. Donc, quand tu poses des questions, apprends à poser les questions bien et donner tous les renseignements et tous les détails. D'accord? Et ici, quand tu n'as pas tous les renseignements ou tu ne sais pas poser une question, vaut mieux te taire. Et l'adab dans les questions, n'augmente pas trop de questions, même s'ils sont bénéfiques, mais à une personne qui est fatiguée ou alors une personne de science, tu arrives, cher, j'ai des questions, tfaddan. Alors que tu sais qu'il a 1000 questions. T'as combien de questions? Bah, j'ai fait une liste, là, j'ai 62 questions. Inch'Allah, et donc, peut-être une question, allez, on va dire, allez, il va enchaîner. Il va pas te donner l'adilla parce qu'il a pas le temps. Juste, il va dire halal, haram, bien ou pas. Allez, on va dire, même si tu comptes combien, allez, 30 secondes par question, 60 questions, 60 minutes divisé par deux, une demi-heure. Il va t'accorder une demi-heure et va rester comme ça, et ça, c'est à la chaîne. Subhanallah. Donc, il faut savoir comment poser des questions et comment préparer tes questions. Il a akhil. Wadih, wa kathratis su'al. Et ici, surtout l'ulama, il dit, ça c'est les questions aussi qui ne visent pas l'action. Des questions qui ne visent pas l'action. C'est quoi le mieux à faire dans cette situation? On va dire le mieux à faire pour toi, et après, augmente qiyam al-layl et fait du'a dans le dernier tiers de la nuit. Ah, barakallahu fik. Il faut aucune prière à l'heure. Et là, quand tu poses une question, tu vises l'action. Tu veux qu'il te donne une réponse que toi, tu veux vraiment mettre en application. Clair? Sinon, laisse tomber les questions et l'excès de questions. Wadih. قال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث في ضعيف الجامع ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. Clair? Et ce hadith, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, utrukuni ma taraktukum. Délaissez-moi, utrukuni ma taraktukum, c'est-à-dire, laissez-moi ou délaissez-moi tant que je délaisse, traduction dans le sens, clair? C'est-à-dire qu'il a interdit ici, Afwan, le hadith 22, Afwan, là je suis passé au hadith 23, hadith 22, hein, il est dans Da'if, il a jugé faible par Cheikh Al-Albani, Kana alayhi salatu wassalam, يكره كثرة المسائل ونهى عليه الصلاة والسلام عن الغلوطات وقيل هي شداد المسائل وصعابها. Et ça, ce hadith-là, il est dans Da'if al-Jami'. Et ici, le sens, c'est quoi? C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, a interdit al-ghuloutat, c'est-à-dire, c'est des questions, comme a dit l'ulama, qui sont complexes et difficiles et lourdes, mais en général qui sont posées pour déstabiliser, pas pour faire du bien. Et là, on est toujours dans le fait de parler que pour dire du bien, ou poser des questions. Ici, quand il faut poser des questions, quand il faut pas, tais-toi. Et là, il cite ce hadith-là, même s'il est da'im, mais min haythul ma'ana, il y a des profits, comme disent les gens de science, c'est-à-dire, al-ghulutat, c'est de poser des questions qui sont assez complexes, mais surtout pour déstabiliser celui que tu interroges. Et ça, c'est connu. Et ça, le prophète Aïssam, il a mis en garde sur le fait d'apprendre la science simplement pour aller, comment on dit ça? Rivaliser, barakallahu fik, rivaliser avec les savants ou les faibles d'esprit, la akhiri. Ici, cela, il y a une mise en garde. C'est quoi? C'est l'enfer. Donc ici, ça, c'est les gens qui, quelquefois, ils aiment venir dans des assemblées. Et il a préparé pendant 2 semaines sa question, ou alors une liste pour déstabiliser. D'accord? Il va rentrer dans l'aqida, dans des sujets, tac, tac. Elle dit, maintenant je te pose une question, quoi? Et c'est pas, il a pas d'intérêt. Mais c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar? Non, lui, il va embellir ça dans, ah non, ça c'est la mise en garde. Et ça, je suis dans le haq. Et ça, Cheikh Al-Imam Ahmed rahimahullah ta'ala, ils l'ont interrogé. Ils l'ont dit, c'est quoi le mieux? Que je passe ma nuit en prière ou bien que je réponde aux innovateurs? Ou plutôt l'imam Ahmed l'a dit, il m'est préférable et il m'est plus aimé que de répondre aux innovateurs que de passer ma nuit en prière. Ajib. T'es l'imam Ahmed, toi? D'où tu sors, toi? De quelle planète? Toi, l'imam, t'as dit l'imam qui? T'as dit, il a, encore, il aurait dit un savant, là, contemporain. D'accord? On sait très bien que leur science n'a rien à voir avec la science de l'imam Ahmed. Mais qu'on l'ihtaram, avec tout le respect qu'on doit à nos grands savants. C'est lumière. Tu parles de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qui a dit, toi, tu te prends pour l'imam Ahmed? Et lui dit, ah, t'as vu, mon frère? Moi, je vais me consacrer dans ça. Répondre aux innovateurs, c'est mieux que de faire qiyamul layl. Et c'est mieux au même degré que l'imam Ahmed. Et le jahil. Après, il dit, ouais, les gens, ils prennent pas de l'kibar. Toi, c'est pas t'as voulu prendre de l'kibar. Tu t'es mis dans la peau de l'kibar. Alors que tu ne vaux même pas, akramakumullah, ses chaussettes. Toi, tu l'es mis dans sa peau. C'est pas dans ses vêtements, dans sa peau. Subhanallah. Et l'imam Ahmed a dit, toi, tu veux faire ça. Et lui, il croit, il embellit sa wazay, yanalahum shaitan, a'malahum. Et ici, il croit qu'il fait le bien. Et il arrive, il dit, il embellit ses mauvaises actions, il commence à dire, voilà, et en fait, c'est pour scandaliser. C'est pour faire mal à la personne et lui poser des questions qui vont le déstabiliser. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-ghulutat. Wadih? Dans le hadith 23, قال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث بسند صحيح اتركوني ما تركتكم. C'est-à-dire délaissez tant que je vous ai délaissé. Le sens est لا تسألوني إذا تركتكم ولا تلحوا في السؤال. C'est ça dans le sens que le prophète, dans ce sens-là qu'il a dit. C'est-à-dire, ici, ne m'interrogez pas quand j'ai délaissé des choses. D'accord? Quand il donne pas de détails, ne cherche pas. Et il y a des gens qui cherchent les détails. Et là, il répond encore à qui? Ashabul ahwa wal bid'ah. Mais non, ça veut dire ça. Et le prophète, il a dit, utrukuni ma taraktukum. C'est-à-dire, ne m'interrogez pas quand j'ai délaissé des choses sur des questions. Ne cherchez pas à aller plus loin. Comme le prophète alayhi salatu wassalam un jour, il a dit, donc il a appelé les gens à faire le pèlerinage. Il a dit, Yohannas, vous les gens, faites le pèlerinage. Et un compagnon qui a dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce qu'il a dit? On doit faire tous les ans le pèlerinage? Le prophète, il n'a pas répondu. Faites le pèlerinage, Ya Rasulallah, mais... Combien on doit le faire une fois? Non, tout le temps on doit le faire, le pèlerinage. Il a insisté jusqu'à ce que le prophète, il a dit quoi? Si je vous dis oui, cela serait obligatoire pour vous. Donc, stop. Prophète, est-ce qu'il a dit tous les ans? Non! Il a dit faites le pèlerinage, tawakkaf. Ça, c'est l'éducation du prophète aux compagnons. Et voilà pourquoi le cheikh il a posé ici ce hadith là pour vous dire quand il vous interrogeait, intaha al-kalam, quand il vous a donné quelque chose, arrêtez-vous. Allah Jalla wa Ala, il a dit à Banu Israël, idbahu, égorgez, sacrifiez quoi? Une vache. Point. Stop. Pas de la physique nucléaire. Égorge une vache, sacrifie une vache. Point. Mais quelle vache? Quelle couleur? Comment aller? Et comment aller? Et ceci? Et cela? Jusqu'à ce qu'Allah leur a rendu la chose compliquée, jusqu'à ce que pour trouver cette vache, fallait y aller. Ils ne trouvaient même pas qui allait leur trouver cette vache-là. Telle couleur, ni trop maigre, ni trop grasse, etc. Et la akhir. Donc au début, Allah, il avait dit quoi? Idbahu bakhara, égorgez une vache. Donc le prophète, alayhi salatu wa sallam, il nous rappelle ici, et regardez comment il a éduqué les compagnons, on est toujours dans le fait de n'ouvre pas de porte quand on t'a pas dit d'ouvrir de porte. Et ça, c'est une réponse à Ashabul Ahwa qui sont entrés dans ici, At-Ta'wil ila akhiri. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihain. Qala alayhi salatu wa sallam, أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. Prophète عليه الصلاة والسلام, il parle de gens et il dit أعظم المسلمين جرما, ceux parmi les musulmans qui ont fait un des plus grands crimes, d'accord, dans le sens من سأل عن شيء لم يحرم, qui a interrogé, regardez, il a considéré ça comme une chose mauvaise, un crime, une chose vraiment blâmable. Il a interrogé dans une chose qui n'est pas illicite. Clair? Et ici ensuite, فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ, c'est-à-dire dans le sens, ceux qui ont interrogé le prophète عليه الصلاة والسلام في زمن التشريع. D'accord? Ça c'est une mise en garde sur les gens qui ont interrogé sur des choses qui n'étaient pas illicites et qui ensuite, ça devenait illicite. D'accord? Comme Benou Israël. Et ça, il parle de eux. C'était des choses à la base pas illicites, mais ils ont insisté. Et Allah Jalla wa Ala leur a rendu la chose illicite. Et ça, c'est parmi les gens qui commettent les choses, ou qui ont commis de grands ou un grand crime. Clair? Et on parle surtout particulièrement des Benou Israël. Et c'est encore pour fermer la porte à, n'interroge pas quand une chose, elle n'est pas détaillée, et il n'y a pas lieu de la détailler. Parce que tu vas te compliquer les choses. Wadih? Ensuite, يقول عليه الصلاة والسلام والحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من أحدث حدثا أو أوى, et on va expliquer ça, محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فقال للحسن ما الحدث فقال أصحاب الفتن كلهم محدثون وأهل الأهواء كلهم محدثون. واضح. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. Et ici on parle de quoi encore et de qui? De أصحاب الأهواء, أصحاب الكلام, أصحاب البدع, les gens de la vie, les gens qui ont suivi les passions. Et en général, أصحاب الأهواء c'est qui? Ashabul Bida, dans les livres comme ça de Aqida, quand il parle, mettons en garde sur Ashabul Ahwa, il parle de Ashabul Bida. Ashabul Kalam, ceux qui sont rentrés même aujourd'hui dans la philosophie, d'accord, dans nous voyons et nous déduisons que ceci, cela, et qui t'a dit de rentrer dans ceci, cela, déduisons, nous voyons, dans cette philosophie, dans je ne sais quoi. Et ça c'est Ashabul Kalam. Et on a dit que les meilleures des paroles, ceux qui sont minimes mais concises. Comme le prophète Alayhi Salam faisait, comme Salaf faisait, il a akhiri. Clair? Et ça c'est sûr. Man ahdatha hadathan aw awa, celui qui a commis une innovation, d'accord? Ou bien qui a même abrité. Ces gens-là, ici reçoivent la malédiction d'Allah Jalla wa Ala, et de Allahin, et de l'Malaïka, et de Nasi Ajma'in. Et ici, ça ce sont qui? Maintenant il y a des gens qui ont utilisé ça, parce que regardez, ils n'ont pas pris comme il se doit depuis le début le livre. Et là il répond à qui? Ça il répond à qui? À ceux qui ont fait quoi? Des bida' dans quoi? Ashabul bida' dans quoi? Dans l'aqida. Quelqu'un va dire, ouais, bah tiens, mon frère, il a un khilaf avec moi dans le fiqh, on parle même pas de bida'. Il va dire, oh, jamais il rentrera chez moi. Je vais recevoir la malédiction des anges et de la'inin et de nasi ajma'in et deux. Je dis, ça va pas, mon frère. Et c'est pour ça que tu les vois, mais c'est qu'ils sont frustrés. Wallah, quelquefois, on croirait voir des extraterrestres. Ils sont tout seuls dans leur planète. Et ils passent, ils rentrent dans la mosquée. Salam alaikum. Wallah, il y en a plein. Tu vas voir la bab Qamis, qala Allah, qala Rasoul, qala l'ulama, qala. Il croit qu'il est dans le haq, le miskin. Tu dis, donne-moi la définition d'un mubtadi', hein? Des innovateurs, mon frère. Il y en a plein, il y a des mises en garde. Parle comme ça, ils sont frustrés. Tu vois pas de rahma en eux. Tu vois pas l'afa, tu vois pas les traces du prophète alayhi salatu wassalam en eux. De la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont cru que la sunna c'était simplement quoi? C'était l'apparence physique du prophète alayhi salatu wassalam, illa man rahim Allah. Ils ont oublié que la sunna, ici c'est les savants de l'usul. Parle pas, عند المتقدمين أي العقيدة. C'était quoi? C'est les paroles. Et c'est les actions. C'est la moralité, le comportement et l'approbation du prophète alayhi salatu wassalam. Il est frustré, miskin. Et il parle pas, il salam pas. Il y en a plein. Wallah, il passe pas le salam. Il passe pas le salam. Pourquoi? Il dit, bah, regarde tous les textes sur les ashabul bid'ah. Eh bah, voilà, t'as un ashabul bid'ah. Il sait même pas c'est quoi, miskin, c'est quoi le bid'ah, c'est quoi le faq bain al bid'ah ou le mubtada ila akhiri. Allah musta'an. Wadih? Ensuite, ici, dans le texte qui vient après, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad. Et ici, il est dans da'if al-jami'. Da'afahu. العلامة المحدث الألباني رحمه الله ورحمة واسعة. Dans ce texte-là, le prophète عليه أفضل الصلاة والتسليم a dit: كلاب النار أهل البدع. كلاب النار أهل البدع. Donc imaginez les gens, البدع, lui, le مبتدع, il a une image. Donc ici, أهل البدع, il va même te dire: أكرمكم الله. قال عليه الصلاة والسلام: les chiens de l'enfer, c'est les gens de l'innovation. Donc peut-être il va t'insulter, il va déjà awalan il est daif, il est dans daif al-jami'. Donc intah al-kalam. Wadih? Et on va même pas aller plus loin sur cela. Daif al-jami'. Wadih? Le hadith qui vient après, ici c'est un hadith où min haythul ma'na. D'accord? Donc on peut pas dire min haythul ma'na kilabun nar ahlul bid'ah, il faut des preuves sur ça. D'accord? Donc on parle de al-khawarij, ça c'est une chose, il y a des textes authentiques. Mais ici, et on dit pas n'importe qui khawarij. Donc kilabun nar, regarde, on joue pas avec ça, chacun sa place. Mais ici, on dit, il y a un texte. Mais là, min haythul ma'na, pour dire, ahlul bid'a ila akhiri, là, on s'arrête. Da'if, khlas. On passe à d'autres hadiths qui sont da'if, mais on a dit, min haythul ma'na, qawifa, on prend l'explication de l'ulama. Et les savants, ils expliquent là. Comme ce hadith qui vient à la suite, il est dans da'if, il est jugé da'if, da'if, da'afa ul albani, rahimahullah ta'ala, walakin al ma'na, elle est bonne. D'accord? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, man waqqara, ça veut dire quoi, on va voir. Man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmi l'islam. Et le sens, il est bon. Walakin le hadith, il est da'if. Ici, man waqqara, c'est-à-dire man 'azzama. Celui qui donne de l'importance, qui glorifie, qui honore. D'accord? Ici, sahiba bid'a faqad a'ana ala hadmi l'islam. Il a aidé à quoi? À la destruction, à l'effondrement de l'islam. Donc ça, encore, on parle de qui? Ceux qui sont connus pour être des mubtadi'in. C'est-à-dire, un, fait pas partie des gens de l'ijtihad, et deux, c'est une personne qui est connue pour être dans ses habitudes de faire des innovations et de ne pas se repentir et revenir après que tu lui aies donné à, on doit donner quoi? Iqamat al-hujja, comme a dit Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, et la deuxième des choses, c'est quoi? Fahm al-hujja. Important. Là, il cache les gens. Ah, iqamat al-hujja. Il balance un truc avec dureté, avec... Comment? Iqamat al-hujja wa fahm al-hujja. C'est-à-dire, tu l'as exposé, tu l'as expliqué d'une manière telle qu'il a compris tes arguments. Et c'est min adatihi. C'est ses habitudes. Il ne cesse de répéter, répéter, répéter. Il est connu pour faire plein de bid'a. Là, c'est une chose. Si tu l'honores et si tu le glorifies devant les gens, là, à ce moment-là, bien sûr, tu auras cautionné le fait que quoi? Que ici, il va porter préjudice à l'islam. Et là, tu ne peux pas. D'accord, là tu ne peux pas. واضح. Dans le hadith qui suit, rapporté par l'imam Ahmad wa ghayru wa hassanahu al-Albani rahimahullah ta'ala. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضى خط لنا رسول الله عليه الصلاه والسلام يوما خطا. فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام أو تلا عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتتفرق بكم عن سبيله. Et ça, ce hadith là, ici c'est un hadith très connu où le prophète عليه الصلاة والسلام a montré de façon claire la voie droite et la voie ici des gens égarés. Et il a fait un trait. D'accord? Khattalana Rasulullah yawman khattan. Il a fait un trait. D'accord? Et ensuite, faqala, le prophète alayhi salam, ensuite, il a fait des traits. Et il a dit هذه سبيل الله, ça c'est le chemin d'Allah, la voie de la rectitude, un trait droit. Et ensuite il a mis des traits sur les côtés, comme ça, des traits à droite et des traits à gauche. D'accord? Et il a dit sur chacune de ces voies, c'est-à-dire il a fait des traits et il a dit sur chacune de ces voies, et il a considéré ces traits comme des voies. Sur chacune de ces voies, il y a un shaytan qui prêche pour son compte. Puis il a récité le verset où Allah Azza wa Jalla dit avec une traduction du sens, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Wadih. Et ici, quand il dit, il y a un shaytan, et là on sait très bien qu'Allah Jalla wa Ala a parlé de shayatin al-ins wal-jin, qui appelle, ça peut être un être humain, pour égarer les gens. Donc là, le chemin d'Allah, il est clair. Le prophète, il a dit, c'est un trait clair, une voie claire, la voie de la rectitude. Mais à côté, il y a plusieurs voies. Il l'a dit, le prophète, alayhi salam, comme il a mentionné, alayhi salatu wassalam, que la communauté, elle va se séparer en 73 parties, tous en enfer, illa wahida. Wadih. Et ici, l'auteur veut montrer que le chemin qu'ont emprunté les compagnons, c'est celui-là. Radiyallahu anhum wa ardaum. Al-kitab wa sunnah bifahmi salaf al-umma, c'est un chemin droit, clair, wadih. Clair? Et que les traits sur les côtés, c'est ahlul bid'ah. Et c'est-à-dire Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, les gens des sectes qui ont égaré les gens. Parce qu'il a dit c'est un shaytan, il y a shayatin al-ins ou al-jin, ça peut être un être humain, d'accord? Et toute personne qui appelle à ce dont shaytan appelle, on peut le considérer comme un shaytan. Qala Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, toute personne qui appelle les gens à faire le mal et éloigne les gens du bien, il appelle les gens à faire le mal et à transgresser, et éloigne les gens du bien, tu peux l'appeler shaytan. Tu peux l'appeler shaytan. Parce que le shaytan, il fait quoi? Il éloigne les gens du bien, et il appelle les gens au mal, et il appelle les gens à transgresser. Et Allah, il parle de shaytan al-ins wal-jin. Donc ici, lui, c'est considéré comme un shaytan. Wal-ayyadu billah. Qala alayhi salatu wassalam. Wal-hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim fi al-Sahihayn. Hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, ou plutôt qalat Aisha, radiyallahu anha wa arda, et le athar est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, le athar, elle a rapporté sur le prophète alayhi salatu wassalam. Qalat Aisha radiyallahu anha wa ardaha, tala rasulullah alayhi salatu wassalam, huwa alladhi anzala alayka al-kitab, minhu ayatun muhkamat, hunna ummu al-kitab, wa ukharu mutashabihat, fa amma alladhina fi qulubihim zayr, fayattabi'una ma tashabaha minhu bitigaa al-fitnati wa bitigaa ta'wilih. قالت سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها عن محمد عليه الصلاة والسلام. Donc la traduction ici c'est que عائشة رضي الله عنها وارضاها elle a dit le message d'Allah عليه الصلاة والسلام a récité un verset coranique. Traduction approximative. Prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Donc c'est un verset coranique. Walladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamat. Ici, il dit, il s'y trouve des versets sans équivoque. Ah, vous rappelez, tout à l'heure, on parle de al-muhkam wal-mutashabih. Et ça, ce verset coranique, c'est un verset qui fait très mal à ahlul bid'ah. Et ça, c'est un argument qu'il faut connaître par cœur. Un verset qu'il faut connaître par cœur pour répondre et réfuter à ahlul bid'ah. Et leur argumenter. Et donner un argument fondé pour dire que tu dois rester sur le muhkam, ce qui est clair. Il dit, il s'y trouve des versets sans équivoque, clairs, qui sont la base du livre. Et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Comprenez maintenant? À d'autres interprétations, à des interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur, comme Allah il dit, une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets, ici, à équivoque. Cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation. Alors que nul n'en connaît, la ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science religieuse, dans la science, al-ilm, ils disent, nous y croyons, kullu min indillahi azza wa jal. Tout vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout vient de notre Seigneur. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Clair? Il a récité ce verset coranique. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها. J'ai entendu le message d'Allah عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه. Si vous voyez ceux qui rentrent dans le jidal, dans la polémique concernant cela, القرآن الكريم فهم الذين عن الله فاحذروهم. Clair? Donc c'est cela qu'Allah Azza wa Jal vise. Donc فاحذروهم أي لا تجالسوهم. Donc ici, éloignez-vous de ces gens-là. De qui? De ces gens-là qui délaissent al-muhkam pour le mutashabih. Et ça, les ulama, ils disent que ça concerne le Coran al-Karim ou bien la sunna authentique du prophète alayhi afdalu salat wa askat taslim. Quand quelqu'un, il va délaisser le muhkam, il va toujours voir dans des choses qui ont plusieurs interprétations et qui le renvoient pas à des choses claires, mais qui cherchent absolument une interprétation, qui les arrange. À ce moment-là, cela, فَحْذَرُوهُمْ. Ici, méfiez-vous de ces gens-là. قَالَ الْعُلَمَا وَلَا تُجَالِسُوهُمْ. واضح. Dans le hadith qui vient après, رواه الإمام الترمذي وغيره وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. Ici, on a déjà parlé de ce sens-là. قال عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون كما قال جل وعلا. Et ici la traduction, ici ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. Et là on repart dans les paroles des salaf qui disaient, il y a pas une personne qui s'est égarée avant d'être rentrée dans la porte de quoi? Al-jidal, c'est-à-dire ici al-khusumat, dans la controverse, dans la polémique, dans la et la akhiré. Que ça concerne les versets coraniques, que ça concerne les ahadith, ou que ça concerne en général des paroles dans la religion. Et il dit, il n'est point de gens qui sombrent dans l'égarement après la droiture sans qu'il leur ait été donné la polémique. Puis il récita le verset coranique, nos dieux sont-ils meilleurs ou bien lui, ce n'est que par polémique qu'il te cite comme exemple, ce sont plutôt des gens chicaniers. Et il rappelle que la polémique est une voie qui mène vers l'égarement. Wa qala al-ulama, ici, ara'ayta insan yas'alu al-istifsar fa, ici il dit, est-ce que tu as vu, ou l'ulama disent, et il donne les explications ici concernant ce hadith là dans le charh, est-ce que tu as vu une personne qui interroge ici l'istifsar? Ici, une personne qui interroge pour l'istifsar, et quand on lui donne ici une explication, il va directement chercher d'autres interprétations que l'explication qu'on lui a donnée. Il y a des gens qui demandent des explications. Mais quand on lui a donné une explication, ça ne lui plaît pas, et il va chercher une autre explication qui lui convient. Et ce sont les gens à chaque fois qui cherchent ici al-jidal et ceux qui les arrangent. Et ça se produit beaucoup avec les gens de science, et l'ulama répète souvent ça. Des gens qui viennent leur donner des explications, et ensuite quand ça leur a pas arrangé ou ça les a pas arrangé cette explication, ils vont voir directement une autre personne pour trouver une autre explication. Et ça c'est ashabu al-ahwa wal-iyadu billah. Thumma qala alayhi salatu wassalam. Et ça, ce hadith, il est jugé da'if jiddan par Sheikh al-Albani. Il est pas jugé faible, mais il est jugé très faible. Et ici, le prophète alayhi salam aurait dit, al-mutamassiku bi sunnati, et ça c'est le hadith numéro 31, bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajru 50 shahida. Le prophète aurait dit, celui qui s'accroche à ma sunna, alors inda fasadi ummati, alors que la communauté ou les gens seront corrompus, il aura la récompense de 50 martyrs. Et ça c'est un hadith très faible, donc on ne peut pas le prendre comme argument. Rapporté par l'imam Ahmad, Hassanah al-Albani, fi sahih al-jami'a, قال عليه الصلاة والسلام المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر. Et ça c'est un hadith حسنه الألباني في صحيح الجامع. Et dans صحيح الجامع ou bien dans صحيح الترغيب والترهيب, particulièrement صحيح الجامع, c'est pas parce qu'on dit dans صحيح الجامع que automatiquement tous les hadiths qui sont dedans, Cheikh al-Albani les a considérés comme صحيح. Pour ça on peut dire حسنه الألباني في صحيح الجامع. Ça montre la difficulté, c'est-à-dire celui qui va s'accrocher à sa religion alors que les gens sont corrompus, qu'al qabidi ala al-jam, c'est, il sera considéré comme une personne qui va tenir des braises. Et ça montre la difficulté ici de s'accrocher à la religion quand il y a beaucoup de fitan et de shubuhat et des gens qui sont corrompus. Mais plus la difficulté est grande et plus la récompense est grande et le mérite est grand. La preuve de cela, on passe au hadith qui suit. Hadith numéro 33. Bien que le hadith il soit faible, clair, mais on va citer une version qui va dans ce sens et qui est authentique. حديث 33 قال عليه الصلاة والسلام المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إلي. C'est-à-dire celui qui s'accroche à la religion. Ici, في الهرج, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de fitaines, de meurtres, etc. كالمهاجر إلي. Comme celui qui va faire, ou il est tel celui qui va faire l'immigration vers le prophète alayhi salatu wassalam. Mais la version authentique, al-ibadatu fil harj ka hijratin ilayya, rawahu al-imam muslim. La vraie version authentique, et qui est dans le même sens. Le prophète alayhi salam, il a dit, al-ibadatu fil harj, l'adoration en période de harj, c'est-à-dire de troubles, de fitaines, de meurtres, etc. ka hijratin ilayya. C'est comme une émigration vers moi. Et ça, c'est le sens qui est, ou dans le sens, l'adoration en période des fitaines, ici, ça aura tellement une grande récompense et un grand mérite que le prophète il a considéré ici cette action-là, cette patience-là, le fait de continuer à s'accrocher à la religion comme si tu es émigré vers le prophète alayhi salatu wassalam. Et on voit l'importance aussi de s'accrocher à quoi ? À al-ibadat, les actes d'adoration. Et c'est ça l'ilm al-nafi'a. Tu apprends et tu appliques. Bien que l'ilm et l'apprentissage de la science, bien que tu l'appliques, ici soit préférable au fait que d'adorer Allah Azza wa Jal sans apprendre la science comme il se doit. Et on avait rapporté la parole de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, quand il était dans une assise et qui donnait des cours et qui a eu al-adhan. Et quand al-adhan est terminé, une personne et un de ses élèves s'est levé pour faire la sunnah, faire deux unités de prière. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il lui a dit quoi? Tu as laissé ce qui a plus de valeur que cet acte d'adoration. C'est-à-dire? L'apprentissage de la science. C'est-à-dire, le petit moment qu'il a pris, même c'est court, le petit moment qu'il a pris pour faire deux rak'at, s'il serait resté assis, pour rester dans cette assise de science, ça aurait été meilleur pour lui que de faire ces deux rak'at. Pourtant, quelqu'un va dire, ouais, mais ça prend pas de temps, juste, même si le cours a commencé, la djelsa a commencé, je fais les deux rak'at vite fait, c'est meilleur pour lui de quoi? De rester dans l'assise de science. C'est pour ça que vous voyez, Tullab al-ilm, quand il reste dans les assises des gens de science, ici même après l'adhan, même quand les gens font deux rak'at, même quand il reste dans l'assise assis. Il bouge pas. Parce que rester dans cette assise, dans ce jardin, parmi les jardins du paradis, rester dans cette assise, c'est meilleur que de te lever et aller faire des prières surérogatoires. واضح ساكرة على العيشة 13 hein? Et ici on va citer quelques hadiths encore un ou deux pour arrêter ici hein? Parce qu'il y en a encore beaucoup hein? Comme je vous ai dit, il y a des centaines dans ce livre. Dans le hadith qui suit, c'est un hadith authentique rapporté par Muslim. واضح rapporté par Muslim. قال عليه الصلاة والسلام. Mais l'ajout ici que je vais vous montrer ici, certains l'ont considéré comme faible. قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه المسلم. Et ensuite il a dit عليه الصلاة والسلام quand il aurait dit فطوبى للغرباء ensuite قالوا يا رسول الله من الغرباء قال الذين إذا فسد الناس صلحوا. Cette partie là certains le considèrent faible, d'accord, mais dans beaucoup de versions ici et dans beaucoup de muhaddithin, ils ont considéré cette version et d'autres versions quand le prophète Aïssam a répondu comme étant bonne. À la kulli hal, le sens, il est bon. Ce sont ceux qui, comme le prophète a dit, l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange. Parce qu'il y avait quoi? Un, deux, trois, quatre, cinq compagnons. C'était rare, c'était vu comme une chose étrange par rapport aux gens et à l'ensemble des gens autour d'eux, ou la majeure partie des gens. L'islam ou ghariban, wa sayaoud ou ghariban kama bada, fa touba lil ghuraba. Donc le prophète Aïssam, il a dit, il va repartir. وسيعود غريبا كما بدا. Passer la bonne nouvelle aux étrangers, comme a قال العلماء منهم شيخ ابن باز رحمه الله تعالى كأن النبي عليه الصلاة قال الجنة للغرباء. C'est comme si le prophète il avait dit le paradis pour الغرباء. فطوبى ابن القيم il a dit c'est un arbre au paradis. Donc c'est comme si on disait le paradis pour الغرباء. اللهم اجعلنا منهم. Et ici le prophète il a dit ces gens-là ils auront le paradis بإذن الله عز وجل. اختلف العلماء. Certains savants ils ont dit c'est à notre époque. Et d'autres personnes, ils ont dit, non, c'est pas à notre époque. Parce que quand tu es dans des pays musulmans, alhamdulillah, ahlul khair, il y en a partout. Donc ils sont pas vus vraiment comme des étrangers. Et ils disent ça, c'est à l'époque quand il y aura les grands signes de la fin des temps. Où on arrivera à un stade où il y aura des gens qui, on n'entendra même plus Allah, Allah. Ou oui, on a déjà entendu parler, c'est à cette époque. Où ici, ça va se faire de plus en plus, plus en plus, plus en plus rare. une certaine époque, ils disent que cela. Ala kulli hal, ikhtalafa al-ulama. Wadih? Et ici, ala kulli hal, le prophète, alayhi salam, quand on l'a interrogé, il a dit, ceux qui vont corriger, réformer les gens, lorsque quoi, ils deviendront corrompus. Et une version authentifiée par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, rapportée par Ibn Asakir, ils sont un petit groupe de gens qui vivent parmi une population majoritairement corrompue. Et ceux qui s'opposent à eux sont plus nombreux que ceux qui les suivent. Clair? Et comme je l'ai dit, certains disent que c'est maintenant et d'autres disent que non, cela n'est pas maintenant. Et al-ghuraba hum ahlul istiqama kama qala Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala fi sharhihi yani li hadha al-hadith. Clair? Et il dit Cheikh Ibn Baz quand il explique ce hadith là, il cite le verset coranique où Allah jalla wa ala dit innal ladhina qalu رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Et il dit c'est أهل الاستقامة. Et ça c'est la parole bonne à dire. Certains ils disent رَجُلُونَ مُلْتَزِمُ. Et ça Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala il dit c'est pas correct. Parce que عند النصارى il y avait des gens qui étaient et qui étaient considérés comme يعني من الملتزمين. C'était des gens qui étaient encadrés par ce terme là. Et le mieux c'est de dire رجل مستقيم. Et là il y a des preuves du Coran et de la Sunna. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Donc quand quelqu'un est droit, inshallah ta'ala, il est bien, et tu veux faire son éloge parce qu'il y a l'intérêt de faire son éloge, tu dis inshallah ta'ala لا نزكي على الله أحد ولكن هذا نحسبه كذلك رجل مستقيم. C'est meilleur. Cheikh Ibn Baz dit Allah a dit إن الذين قالوا ربنا الله, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Ils n'ont pas dit simplement la parole. Notre Seigneur est Allah. Ensuite, istaqamu, ils se sont tenus sur la voie droite. Ceux-là, tatanazzalu alayhim al-malaika. Les anges descendront sur eux. Et les ulama, ils ont dit à deux moments, c'est qawlu raji' wallahu a'lam, au moment de leur mort et au moment de la résurrection. Et ici, qui vont leur rapporter la bonne nouvelle, qui vont les réconforter. Allah ta'khafu wa la tahzanu wa abshiru. N'ayez pas peur, ne soyez pas affligés et recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Al-aya. Wadih hum ahlul istiqama. Donc ça sera toujours ceux qui vont rester sur la voie droite, alors que la majeure partie des gens qui les entourent sont corrompus. Wadih. Dans le hadith qui vient ensuite, par la suite, c'est un hadith jugé da'if par Cheikh Al-Albani dans da'if al-jami' rawahu al-imam al-Tirmidhi wa hassanah. Amma al-Tirmidhi, ici il a jugé le hadith ici bon. Ce hadith là, le prophète alayhi salatu wa salam a dit Allah Allah fi ashabi la tattakhidhuhum araban ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum wa man abghadahum فببغضي أبغضهم ومن أذاهم فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله ومن أذى الله فيوشك أن يأخذه. Et donc dans le sens ici l'explication, il a dit Allah Allah fi ashabi, c'est-à-dire ay ittaqullah fi ashabi, c'est-à-dire craignez Allah. Et il montre l'importance quand il dit Allah Allah fi ashabi, c'est-à-dire attention, craignez Allah dans mes compagnons, dans le comportement, dans le chemin que vous allez suivre, le chemin des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. La tattakhidhuhum aradan ay la tasubbuhum wa la ta'ibuhum, c'est-à-dire ne les insultez pas, ne cherchez pas leurs défauts, ne les rabaissez pas. Et il dit faman ahabbahum, celui qui les a aimés, certes m'a aimé. Celui qui leur a porté préjudice, certes il m'a porté préjudice. Et ceux qui les aiment, aiment le prophète. Et ceux qui les détestent, détestent qui? Le prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui leur porte préjudice, il a touché à qui? Au prophète alayhi salatu wassalam. Et ici, ça c'est un rappel clair sur l'interdiction de détester les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et l'importance de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et les gens qui égarent les gens du droit chemin, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'égarer les gens des gens du bien. Quand tu as égaré les gens des gens du bien, tu vas égarer les gens des gens du droit chemin. Tu vas égarer les gens du droit chemin. Et ici, donc, qu'est-ce qu'ils font comme un Shia? Parce qu'on sait très bien que ceux qui sont sur le droit chemin, c'est Sahaba. Et on se doit obligatoirement de comprendre le livre d'Allah et la Sunna selon la compréhension des compagnons et de Salaf. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont insulter les compagnons. Ils vont dénigrer les compagnons. Les gens vont se détourner des compagnons comme ils ont fait Shia. Et si tu te détournes des compagnons, tu vas te détourner du droit chemin et de la bonne compréhension. Donc tu t'es détourné de qui? D'Allah et de son messager, alayhi afdalu salati wa aska taslim. Clair? Et ici, celui qui va insulter, porter préjudice au compagnon, hal yakfur, celui qui va détester, man abghad as-sahaba, d'accord? Man abghadahum, ceux qui ont détesté les compagnons, ceux qui détestent, est-ce qu'ils sont mécréants ou pas? Al ulama, ils ont dit, s'ils les détestent, pas par raison personnelle, pour une chose personnelle qui n'a rien à voir avec leur religion, ici, ils ne sortent pas de l'islam. Mais s'ils les détestent par rapport à leur suivi qu'ils ont eu vers le prophète alayhi salatu wa sallam, le soutien qu'ils ont apporté au prophète alayhi salatu wa sallam, pour leur religion, pour leur croyance, faqad kafar. Clair? Qala al-ulama, wa in kana al-bughd li shay'in fi nafsihi. D'accord? Aw ghaydhin hadha fisqun. Là, il tombe dans le fisq. Mais celui qui rend permis le fait de les insulter, c'est un kafir. Et celui qui accuse les compagnons d'avoir une mauvaise croyance et qui les insulte pour leur croyance, kafir. Mais s'il est ici, déteste pour une chose personnelle qui n'a rien à voir avec leur croyance, leur soutien envers le prophète, ils disent ça c'est du fisq, et ils ont divergé les savants sur ça. Ibn Taymiyyah, il a détaillé cela dans Majmou' al-Fatawa. Amma celui qui insulte Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, fahada kafir yakhruju min al-millah. Pourquoi? Parce que là, il va démentir un verset coranique, kalamullah azza wa jal, car Allah azza wa jal, il a innocenté Aïcha radiyallahu anha wa ardaha fawqa sab'a samawat. Au-dessus des sept cieux, au-dessus des sept cieux, Allah, il a descendu un verset coranique, qui est récité et qui sera récité jusqu'à la fin des temps, qui innocente Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Et Allah azza wa jal, il parle de ça. Et de, ici, al-munafiqoun qui ont parlé sur Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, il dit, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Et ça, c'est am. C'est général. Concernant les gens qui donnent peu d'importance dans des choses graves, alors qu'auprès d'Allah, c'est grave. Mais ça concerne avant tout ibtida'an sur l'histoire. Hadithatul ifk. Sur Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Les calomniateurs qui ont répandu les mauvaises informations. Et ici, Allah dit, vous le considérez comme insignifiant. Et ça nous rappelle, tiens ta langue, attention, quelquefois tu dis, c'est pas grave. Mais quand tu crées la discorde et la désunion entre les gens, c'est extrêmement grave. Et quand tu touches à l'honneur d'une personne, c'est extrêmement grave, alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, votre honneur, votre sang, il a akhiré dans le hadith très connu, inda hajjatil wada, il est sacré. Comme votre jour ici, comme ce mois-ci, comme cet endroit ici, ils sont sacrés. Ton honneur, l'honneur de ton frère, il est sacré. Touche pas à l'honneur de tes frères et tes sœurs, et encore moins de l'honneur des gens de science. Qala ibn Asakir, rahimallahu ta'ala, inna luhum al-ulama masmouma. La viande des savants, des gens de science, elle est empoisonnée. Et ici, là, il est mécrant. Pourquoi? Parce qu'il renie un verset coranique qui est clair. Où Allah, il a innocenté Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Clair? Et donc, c'est pareil. Il dit, si il est arrivé à insulter un compagnon, par mauvaise compréhension, ou par raison personnelle, c'est pas pour sa croyance, sa religion, son soutien, ils disent, il est fasiq. Certains disent, non, il est kafir. Et il y a une divergence au sein des gens de science, mais en tout cas, on sait très bien que ceux qui insultent les compagnons, qui détestent les compagnons, ils font partie des plus mauvais des gens. Amma celui qui insulte Aïcha, il est kafir, il sort de l'islam. D'accord? Et comme la plupart des shi'a, wal'iyazu billah, rawafid. Clair? Et donc ici, on doit s'arrêter là. D'accord? Car il y a encore des centaines et centaines de textes. Personnellement, je pensais qu'on allait aller plus loin. Walakin khair. Le but principal de cette dawra, c'était de donner al-adilla min kitabillah wa min sunnati rasulillah bi fahmi salaf al-umma wa bi aqwali al-ulama min as-salaf wa min al-khalaf ka al-imam ibn Battah rahimahullah ta'ala ibn Hajar rahimahullah ta'ala ila akhiri. Et il y a plein d'autres paroles que je voulais citer encore, même des contemporains, de Ubayd al-Jabiri rahimahullah ta'ala, en donnant les références de son livre ila akhiri, lakin le temps ne nous permet pas, mais moi le but c'était de pouvoir sortir de là avec des bagages et un bagage assez solide pour comprendre ici le minhaj authentique et la voie à suivre. Et de différencier entre le bid'a et le mubtadi', le bid'a le mukaffira, le bid'a le mufassiqa, ila akhiri, et d'avoir des arguments solides et de comprendre les textes et de ne pas se noyer dans toutes les paroles des salafs concernant le mubtadi'in et de généraliser ila akhiri. Donner des clés pour pouvoir lire certains livres de salafs concernant les gens de l'innovation. Et pas croire n'importe qui nous dit, les salafs, ils étaient très durs envers Ahlul Bid'a. Et de sortir et avancer la tête baissée et d'aller à fond vers n'importe qui a fait une bid'a et se comporter comme se comportait as-salaf envers, c'est ici ahlul bid'a et ahlul ara, ahlul ahwa, concernant surtout les bid'a dans al-aqida, et de pas te tromper, et de pas faire de mal, et de pas faire de dégâts. Et ici, bi'idhnillah, comme je vous ai dit, le séminaire avec ce nom, al-minhaj al-sahih, la croyance, la voie, la méthodologie authentique, se termine maintenant, quelque part maintenant, c'est-à-dire avec autour du sharh de ce livre, mais continue demain. Mubasharatan ba'd as-salat al-jumu'ah, indana al-liqa', yani min khilal al-hatib ma'a al-shaykh, hafidhahu Allah ta'ala, docteur al-Shibli, hafidhahu Allah ta'ala, sur le sujet qui est des conseils pour ici les demandeurs de science et comment se comporter envers ceux qui transmettent cette science. Et je vous cache pas que quand je lui ai dit ce sujet, Fawarab Bilkaba, je suis pas rentré dans les détails sur At-Tajri, le fait de critiquer, etc. Il m'a dit, non, moi je veux savoir. Wallah, hein. C'est un grand élève de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Uthaymin, de Cheikh Salih Al-Fawzan. C'est un docteur en Aqida dans l'université à Riyad. Et c'est une personne qui est très connue pour sa science. Il passe dans beaucoup de qanawat, il a akhil. Et vous allez voir son degré de science, vous pouvez voir ici via Internet. Et à la coulée, elle-même lui m'a dit, oui, mais j'ai entendu beaucoup de choses en France. Est-ce qu'il y a Sahab At-Tajrih qui vont écouter? والله ورب الكعبة أصحاب التجريع هل هم يحضرون إلى هذه المحاضرة إلى هذه المكالمة إما جزء كيف هم participer je dis Allah وعلم شير peut-être certains vont écouter via internet عبر الموقع internet etc إما جرى نعم il voulait absolument que cela écoute pour vous dire سبحان الله ils les connaissent أهل العلم أهل الذكر ils les connaissent ces gens-là والعياذ بالله qu'Allah nous en préserve et préserve de الجدال et الخصومات etc إلى آخره et inshallah تعالى on continuera demain et demain après son intervention, قبل العصر, je vais faire الترجمه, la traduction. Et مباشرةً بعد العصر, on clôturera le séminaire en donnant certains conseils et en donnant la liste des livres que je vous avais dit, inshallah ta'ala. Et de là, بإذن الله عز وجل, on se rencontrera dans un autre séminaire ou dans une autre rencontre. بإذن الله عز وجل, وبارك الله فينا وفيكم وسبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته